Devant l'obstination d'Orgon, Marianne et son fiancé Valère décident de faire intervenir la belle-mère de Marianne, Elmire, pour qu'elle demande à Tartuffe de renoncer au mariage imposé par Orgon. Et aux yeux de Dorine, l'intervention d'Elmire peut être fructueuse, car, sur l'esprit de Tartuffe, elle a quelques crédits. Il se rend complaisant à tout ce qu'elle dit, et pourrait bien avoir douceur de cœur pour elle. De ce fait, Tartuffe va se croire seul à seul avec Elmire dans une pièce de la maison d'Orgon, ignorant que Damis, frère de Marianne, s'est caché dans une pièce attenante. Après quelques approches galantes, sur lesquelles Elmire avoue à Tartuffe son étonnement, Tartuffe s'explique.